lit tous les commentaires, sont lus, analysés, observés. À demain, bonne journée. Vous écoutez Vivacité, il est 11h. On s'informe avec Delphine Vreux. Bonjour Delphine. Bonjour, Bernard Westphal. En larmes, il s'est adressé une dernière fois au juré de la cour d'assises de Mons. Pourquoi je demande l'acquittement ? Parce que je n'ai rien fait sans tricher, a déclaré l'ex-député wallon. Si j'avais porté des coups à mon épouse, je veux que vous puissiez me croire, je l'aurais dit et j'aurais assumé, a-t-il ajouté. Les débats à présent sont clos, le jury doit se retirer pour entrer en délibération. Un train a dû suspendre son voyage entre Soigny et Neuville dans le Hainaut sur la ligne Mons-Bruxelles. Vers 8h, il est tombé en panne. Il a fallu attendre le remorquage, mais un passager a fait un malaise. Les 500 occupants ont été transférés dans un autre train après 2 heures d'attente. Plus d'un jeune sur 10 a déjà chassé des Pokémon au volant. Jeunes de 18 à 34 ans, des jeunes qui avouent aussi se prendre en selfie au volant. Plus largement, une nouvelle campagne de sensibilisation est lancée sur le risque d'utiliser le téléphone en conduisant. Et en sortant des centres commerciaux, vous verrez ces mots « au volant, pas de téléphone ». L'ouragan Matthew touche les plages des Bahamas. Il a fait 26 morts dans les Caraïbes. Il est d'une violence sans précédent depuis 10 ans. Matthew a fait 350 000 sinistrés à Haïti. Il atteindra la Floride dans la journée. S'il y a un ordre d'évacuation dans votre ville, il faut le prendre au sérieux, a insisté le président des États-Unis, Barack Obama. La Caroline du Sud a ordonné l'évacuation de plus d'1 million d'habitants de zones côtières. L'ouragan devrait ensuite perdre en intensité. Faites peut-être un détour par la pompe ce soir si vous roulez à l'essence. Le prix au litre va augmenter de 3,1 centimes d'euros dès demain. La météo, une météo à grelotter ce matin si vous êtes sorti. Cela dit, c'est encore assez ensoleillé. Ça va se couvrir dans l'après-midi, surtout sur l'ouest. Côté température, 7 à 13, 14 degrés. Jean-Marc Strel, nous annonçait il y a quelques instants un conducteur fantôme. Effectivement, si vous êtes sur la N89 Bouillon-Saint-Hubert, serrez à droite tout de suite, car il y était il y a quelques minutes à hauteur du Libramont. Évidemment, il a évolué. On n'a pas encore de nouvelles. Donc la N89 Bouillon-Saint-Hubert, serrez à droite. Un accident s'est produit sur la N4 Arlon-Namur à hauteur de Longchamp. Le passage est difficile dans les deux directions, nous dit-on. Pour le ring de Bruxelles, ça se passe bien, si ce n'est peut-être un peu en circulation intérieure où il y a des ralentissements entre Grimbergen et Macallon vers Zaventem. Toujours quelques ralentissements aussi dans la plupart des chantiers, notamment celui de Churat, uniquement vers Bruxelles à partir de Barchon. Le 25 aussi, Maastricht-Liège, avec à Churat quelques ralentissements en direction de Liège. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jetair devient TUI. Discover your smile. Un problème sur la route ? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et vous retrouvez l'équipe d'En EHPAD des pigeons avec Sébastien Nolvo. Merci Delphine. Ça papote déjà, j'entends. Tout le monde s'installe autour de la table. Retour de l'info à midi. Qui livre vos vins préférés partout en Belgique ? CoraWine.be. Oui. Un choix comme ça, c'est chez Cora. Ou sur CoraWine.be. Notre savoir-faire se déguste avec sagesse. De 11h à 13h sur Vivacité, on n'est pas des pigeons, Sébastien Nolvo. Bonjour les amis. Bonjour. Comment ça va bien ? Bien. En forme pour 2 heures de folie. Bien. Je vous vois en forme. Effectivement, Hubert qui nous emmène en croisière aujourd'hui. Mais on va rêver. On part loin, Hubert ? On va pas loin. Oh là, je crois qu'on va vous mêler un bateau. Non, vous savez, problème je vais faire micro, la... oui. Un problème de micro. Oui, là. Vous inquiétez pas, Hubert, c'est réglé. Je vais y aller. Ben, je peux faire la sirène de bateau alors. Allez-y. Oui. On est parti là, hein. Ah oui, vous avez du bruitage. Rien pour ça, j'ai bien fait de venir aujourd'hui. On va aider Jacqueline qui a fait appel à nous parce qu'elle a reçu un bon d'achat. Annie, impossible d'utiliser ce bon d'achat. Ben oui, parce que le magasin est fermé. Et puis quand elle s'adresse à la marque qui est désigual, on lui dit madame, on ne sait rien faire pour vous. Et donc nous, on ne trouve pas ça très normal. Effectivement. Dans le journal de la Conso, on parle yaourt, Aurore. Oui, le yaourt grec. Est-il vraiment grec? Est-ce ah bien bah voilà, bah, je vous le dirai. On parlera de l'automne aussi qui vient à peine de commencer. Isa nous glisse déjà le mot solde dans les oreilles. Oui, et c'est si on commençait les soldes un mois plus tard, Au lieu de début janvier, fin janvier. D'accord, pas d'accord. Pourquoi on va lancer le débat. Question Facebook. Oui, notre question Facebook, justement. Elle porte sur les soldes. Voilà, sur les soldes. J'étais un peu perdue, désolée. J'étais c'est en train de chercher justement la question Facebook du jour. En plus, c'est vrai. Aurore. Donc sur les soldes, si on recule d'un mois, est-ce que ça vous arrange ou pas? Est-ce que vous allez acheter, par exemple, en février, un manteau d'hiver? Puisqu'on recule les soldes de janvier en février. Ouais, d'accord. Hein, ah bah dites tout sur la page Facebook, on n'est pas des pigeons. Donc, c'est le même principe, on achète un maillot en août. Oui. Oui, puisque c'est juillet, c'est voilà, ça. Oui, c'est reporté en août. Donc, est-ce Facebook, que vous feriez ça? Dites-le nous sur Facebook. Et des tongs. Bah, oui, sur la page, on n'est pas des pigeons. Et vous pouvez aussi le faire par mail. Hein, l'adresse est pigeon au pluriel, @rtbf.be. Le répondeur 070 222 660, les SMS 3063, ça coûte 50 centimes. C'est moi ou c'est un peu laborieux le début de cette émission? C'est difficile. Oui, ouais, c'est un peu difficile. On va aller c'est sur jeudi. La plage avec Jean-Louis Aubert. Jean-Louis Aubert sera dans la programmation musicale ainsi que Julian Peretta. Bon, je sais pas ce qu'on va faire, mais il faut se ressaisir, les amis. Nous avons 2 heures à tenir. Sur Vivacité, Adventure of a Lifetime. votre courrier est arrivé. Oh, de nos jours, le papier. Nos jours, personne n'écrit plus, tout le monde téléphone. Hier, on vous parlait de l'huile de coco en vous disant que c'est certainement pas la solution pour remplacer l'huile de palme, si souvent critiquée. Vous avez réagi, et pas forcément sur les qualités nutritives de l'huile de coco. Mais oui, Sarah, par exemple, nous explique que cette huile est surtout utilisée pour la cosmétique, pour faire un masque pour les cheveux, comme démaquillant ou ingrédient pour des déodorants. L'effet de mode est plus là-dedans que dans le régime minceur, me semble-t-il. Pam, elle, l'applique pendant son bain de pied sur ses jambes pendant une demi-heure. Pam, donc c'est l'huile de... C'est l'huile de Pam. Alors, réduise, elle l'utilise au quotidien pour masser ses pieds. Depuis, plus de corps, ni d'urillon, ni de soucis d'ongles. Et je l'utilise après la douche pour hydrater, également pour soigner les parties intimes de mon anatomie. Excellent lubrifiant aussi, nous précise-t-elle. Voilà, comme ça on est complet. Janine l'utilise depuis des années, mais en petite quantité pour la cuisson des plats à base de poulet pour la cuisine thaï. Ah, voilà enfin quelqu'un qui mange l'huile de coco. Mais elle l'utilise aussi pour la peau comme dentifrice, quelques fois par semaine. C'est une bonne graisse, mais il ne faut pas se leurrer. De la graisse reste de la graisse. Elle va pas vous faire mincir. Toujours en réaction au sujet d'hier, Bambou nous parlait de l'épilation au sucre. Oui, j'en ai fait une expérience malheureuse. L'esthéticienne qui m'a épilé le menton de cette manière m'a arraché la peau carrément. J'ai eu assez mal, ben on vous comprend. J'ai eu une croûte qui a duré plusieurs jours. Je ne le recommanderais sûrement pas, car je ne suis pas une pigeonne. Oui, mais en même temps, l'avantage de l'épilation au sucre, c'est qu'après, tu peux récupérer le sucre pour mettre dans ton café. C'est dégoûtant ce que vous dites. On ne perd rien. On a reçu aussi une réaction par rapport à un sujet abordé hier. C'était René qui voulait acheter un tracteur. Oui, vous savez, René, 80 ans, il a acheté un tracteur, c'est-à-dire qu'il a payé 4 500 €, il n'a toujours pas reçu le tracteur. Alors, on a eu une réaction du garage, qu'on essayait de joindre hein, d'ailleurs pendant l'émission, qui nous dit que le tracteur, il a été préparé, il est toujours bien là, il s'engage à rembourser et il me précise, le patron, que le remboursement a été effectué. Donc, il allait vérifier parce qu'il s'étonnait un petit peu que René n'ait pas encore reçu les sous. Voilà, donc affaire à suivre et nous allons suivre. Classé. Si vous avez des choses à nous dire, c'est sur Facebook que ça se passe. Oui, sur notre page On n'est pas des pigeons. L'autre façon de nous joindre, c'est le courriel. Vous pouvez envoyer ça à l'adresse pigeon@rtbf.be. Le répondeur 070 222 660. Le SMS 3063, ça coûte 50 centimes. Côté musique, c'est Alex Germis qui arrive dans un instant. Et puis si vous aimez les vêtements bariolés, on part chez Disigual avec un bon d'achat, sauf qu'on ne saura pas l'utiliser. On vous dira pourquoi. Les nouvelles tendances maquillage sont déjà chez Di. Des coloris sublimes, des collections exclusives. En ce moment, jusqu'à moins 50%. Di, faites-vous plaisir. Compresse. Compresse. Scalpel. Scalpel. Aspiration. Tronçonneuse. Ne confondez plus vos séries médicales et vos films d'horreur. Nouveau Ciné-Télé-Revue. Nouvelle grille, plus simple, plus clair. Ciné-Télé-Revue. Il était une fois Baba, Ali Baba. Il habitait une grotte au milieu du désert. Oh, crotte, zut, j'ai encore oublié le code pour sortir d'ici. Eh oui, même dans les contes, l'accès à une boîte aux lettres est parfois compliqué. Vaza, ouvre-toi ! Instagram, ouvre-toi ! Ah, crotte, c'est pas ça. C'est alors que Parthenamut inventa des solutions digitales pour permettre d'envoyer ses demandes de remboursement à l'assurance complémentaire via son smartphone ou son PC. Ah ouais, ça le fait, ça. Rendez-vous vite sur parthenamut.be/connect ou sur votre plateforme d'application préférée pour les télécharger. Parthenamut, on vous simplifie la santé. Les inratables de Linebacker. Aouh ! On peut rater un clou, mais pas les actions promo chez Linebacker. Embellissez avantageusement votre maison avec 20% de réduction sur plein de rideaux et la confection gratuite. C'est chez Linebacker. Stop ! Dormir, c'est important, mais ce n'est pas le moment. Durant tout le mois d'octobre, la Literie Libo vous propose toute la literie et accessoires hors TVA. Depuis plusieurs générations, la Literie Libo veille sur votre sommeil et chouchoute tous ses clients avec, en cadeau, la TVA offerte. Le rêve. Profitez-en. Literie Libo fête ses 90 ans. Rue de l'Étang à Etterbeek, à proximité de la place Jourdan. Info et bonne humeur, la bande du 8-9 revient demain. De 8 à 9 pour bien démarrer la journée. Un budget. Un projet. Visitez notre showroom. Condition 30e anniversaire. Jusqu'à 5 000 € d'avantage. Véranda Confort. Ma solution. Info, verandaconfort.be. fell so far. Hey, I know how to get up on myself. I can find a way to hide all the dreams I fell so far away. Jermis survivra avec Sweet of a Glow. Oh, une serpillière, c'est formidable, Thérèse. Je suis ravi, écoutez. Ça me fait marrer, cette serpillière, parce qu'on va parler de vêtements. Et en n'y voyez aucun rapport. Oui. On va parler de vêtements désiguales. Donc c'est un petit peu bariolé, cette histoire. Bonjour, Jacqueline. Bon, Jacqueline. Oui, bonjour. Ah, c'est parce que, comme par hasard, oui. La synchronicité, il y a le monsieur de Désigual qui me téléphone. Je suis ennuyée. Ah, ça, c'est drôle. Non, oui, mais... Ça, c'est très drôle. Eh bien, dis-tu de raccrocher, on l'appelle. Demandez-lui son numéro d'abord. C'est le Désigual, monsieur, vous êtes le franchisé. C'est génial, c'est drôle. Oui, c'est le franchisé. C'est le franchisé. Eh bien, écoutez, dites-lui, prenez son numéro d'appel, ça doit être le portable dont vous disposez déjà. Monsieur Pezzuto, oui. C'est bon. Ça prenez son numéro, il raccroche et on le rappelle dans tout un instant. Suite. Avant ça, on va expliquer on va l'histoire. On va Non, prenez son numéro, Jacqueline, prenez son numéro, parce que sinon on ne saura pas le rappeler. Donc, c'est drôle quoi. Donc, on oui, mais de pendant qu'il donne le numéro, on va peut-être couper. Oui. Donc, en fait, Jacqueline achète dans un magasin des vêtements Désigual. On est au magasin Basilix à Bruxelles. Oui. C'est le 19 juillet. Elle reçoit un bon d'achat. Et là, elle veut l'utiliser, le bon d'achat, mais Annie. Ben, on lui dit, donc elle veut utiliser le bon d'achat, elle retourne au magasin donc à Basilix, et puis le magasin a fermé ses portes. Donc elle se dit, tiens, qu'est-ce que je vais faire avec mon bon d'achat, sur lequel il est quand même mis la marque Désigual. Donc elle va sur le site de la marque, elle envoie un petit mail, elle reçoit une réponse en lui disant, ben écoutez, le magasin il est franchisé, donc le bon d'achat, nous, ben, c'est pas notre truc, on ne sait rien en faire. on vous donne un numéro de téléphone, un portable, d'un autre magasin, du patron d'un autre magasin franchisé qui pourra vous appeler. Et Jacqueline, quand elle nous envoie son mail, elle nous dit, ben voilà, j'ai déjà essayé d'appeler plusieurs fois, j'ai laissé des messages et on ne me répond pas. Mais ça, c'est pas cool parce qu'il y a le logo des Iguales sur le ticket en plus. Ben oui, alors vous savez, je suis un petit peu comme ça, Thomas, moi. Donc j'ai demandé à recevoir tous les documents et donc je vais les montrer à Hubert puisqu'il est à côté de moi, Hubert. Voilà, le bon d'achat, c'est ici. Oui. Voilà, Bruxelles, et il est bien mis. Ah oui, c'est là, clairement voilà, de Ziguel. Ah oui, ça c'est clair. Ouais. Avec, clair en dessous quand même, dealer autorisé. Je vous passe mon anglais parce que... Oui, non, mais c'est voilà. Clairement identifié, pas le franchisé, mais la marque. Voilà, c'est ça. Et donc, quand on reçoit, nous, consommateurs, nous, clientes, un bon d'achat au nom de la marque, c'est impossible de savoir si le magasin dans lequel on est allé, c'est la boutique officielle ou bien si c'est le franchisé. Mm-hmm. Et donc, il faut aller sur le site pour savoir qu'il y a des boutiques officielles, il y a des franchisés. J'ai fait l'exercice hier. Oui. Et donc, par exemple, dans la galerie, je ne sais pas moi, Inno, vous trouvez à la fois une boutique franchisée et une boutique qui ne l'est pas. D'accord. Donc, c'est quand même un petit peu de confusion pour le client. Oui. Et puis, l'apparence du bon, du magasin, on va chez Desigual, on achète des vêtements. Et donc, forcément, c'est logique que Desigual nous dise, ben, allez l'utiliser. C'est et puis logique. Ici, elle se sent un petit peu perdue. Bon, Jacqueline voilà. Est avec nous. Jacqueline, vous avez raccroché avec le monsieur ? Oui, j'ai raccroché. Bon, alors, c'est ça qu'on vous a dit. Le bon d'achat, impossible de l'utiliser ailleurs que dans le magasin où vous l'aviez reçu ? Oui, c'est ça. Et que je devais m'arranger avec le gérant de ce magasin à qui j'ai laissé deux fois un message qui ne m'a pas répondu et qui répond juste maintenant, comme par hasard. Bon. Il sait qu'on va l'appeler ? Je crois qu'il a compris. Parce qu'il semblait me dire qu'il avait un autre magasin à Charleroi et que je pourrais peut-être aller à Charleroi. Écoutez, on va essayer de l'appeler, monsieur Desigual. Il est avec nous en ligne. Allô. Bonjour, monsieur. Hein. Bonjour, monsieur Desigual, franchisé. Voilà, donc, vous êtes en direct à la radio, vous l'avez compris un petit peu avec Jacqueline, puisque vous étiez en direct avec Jacqueline il y a quelques instants. Ce bon d'achat, on peut l'utiliser, oui ou non ? Oui. Ah, et pourquoi ? Nos clients de Basilix vont pouvoir l'utiliser à l'autre magasin de Charleroi. Maintenant, il faut juste savoir qu'effectivement, il s'agit d'une franchise et de plus qu'il ne s'agit pas de la même société, d'où la problématique des bons d'achat qui, voilà, logiquement... On vient d'en parler. On l'a sous les yeux, ce bon d'achat. C'est marqué en grand Desigual. Je suis désolé, moi, je vois ça en tant que client, consommateur. Ce bon d'achat, a priori, il est valable dans tous les Desigual. Ben, en fait, c'est mis Desigual Authorized Dealer, si vous lisez bien, je pense, sur le bon d'achat. Ouais. Et c'est cette pour moi, nuance, ça ne veut rien dire. Qui fait le tout. Mais je sais. Mais bon, là, je veux dire, je ne suis pas responsable de la communication de Desigual Barcelone. Donc, Desigual fonctionne comme ça, c'est-à-dire qu'ils ont leur propre magasin avec l'enseigne Desigual propre. Okay. Et vous verrez qu'il y a d'autres magasins avec cette enseigne Desigual Authorized Dealer, qui est en fait un système de franchise. Annie, il y a une question pour oui, vous. Oui, donc monsieur, si j'ai bien compris, vous êtes à Charleroi, mais en faisant des petites recherches quand même, on n'est quand même pas encore idiot, vous êtes le gérant aussi du magasin Basilix. Oui, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Donc, j'avais le magasin à Basilix. Malheureusement, nous avons dû fermer. Oui. On a un autre magasin aussi à Charleroi. Oui. Et donc, uniquement pour des gestes commerciaux, je veux dire ça comme ça, pour nos clients de Basilix qui ont des bons d'achat, on a pris la décision qu'ils pourraient venir les encaisser. D'accord. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce qu'ici, le bon de Jacqueline, c'est quand même 62 euros et des poussières. Ouais, donc c'est quand même pas rien. Non, mais effectivement, je vais dire, on comprend très bien la problématique. On comprend très bien que ce ne sont pas les consommateurs qui en sont responsables. Surtout que voilà, ces bons d'achat ont été payés. Et donc, il est tout à fait normal qu'ils puissent venir le recouvrir vu qu'on a un autre magasin. D'accord. Et vous pouvez nous dire où vous vous trouvez à Charleroi ? Ce ne serait ça pas possible. D'accord. Donc c'est uniquement chez vous à Charleroi. Il est où votre magasin à Charleroi ? Au centre commercial Ville 2. D'accord. Ça va, c'est bien connu à Charleroi. Jacqueline, vous avez compris. C'est pas perdu. L'argent n'est pas perdu. Le bon est valable, mais il faut aller jusque Charleroi. Est-ce que je vais être remboursé ou est-ce que je dois acheter un article ? Ah, est-ce que le bon est à valoir sur un achat sur place ou c'est un bon qu'on peut rembourser ? Oui, c'est un bon d'achat sur... effectivement, à valoir sur place. Ça, c'est un bon. Le bon d'achat reste exactement comme il est. Donc, Jacqueline, une belle petite blouse avec plein de fleurs. Oui. Voilà. Et vous prendrez une photo, vous nous l'enverrez. On fait comme ça.

87, Jean-Louis Aubert nous emmenait en vacances sur les plages. Et Jean-Marc Strel nous emmène sur les routes. Oui, parfois pour les vacances, mais il faudra patienter un peu. En tout cas, si vous êtes sur la N4 à Arlon-Namur, car il y a un accident en hauteur de Longchamp où le passage est difficile dans les deux directions. Pour le reste, c'est assez calme. Il y a des travaux qui, comme chaque jour, posent un petit problème. Notamment le 40 Aix-la-Chapelle, Bruxelles à hauteur de Cheratte dans les deux directions. Le 25 aussi, Maastricht-Liège, entre Visé et Cheratte. Et puis un accident aussi s'est produit tout à l'heure sur le 313 Anvers-Liège à hauteur de Messenhoven. Il y a des files depuis Ranst sur 7 km, vous perdez plus ou moins une demi-heure en direction de Liège. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jeter devient TUI. Discover your smile. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. À bientôt, 11h32, place au journal de la Conso, et on ouvre la DH. Avant d'aller plus loin, je demande à François qui réalise cette émission de nous mettre un petit peu une musique d'ambiance. Voilà, Rififi européen autour du yaourt grec. Est-ce que votre yaourt grec, celui que vous achetez au magasin, est vraiment grec? Eh bien, c'est un peu la question que doit trancher pour le moment la Commission européenne. Sébastien, arrêtez de danser le sirtakis. Ah, mais non, mais c'est pas le sirtakis, ça. Il danse, c'est une danse russe. C'est oui, pas du tout ça, le sirtakis. Ok, montre-nous. Le sirtakis, c'est difficile en radio. Allez. Oui, c'est vrai, attention, donc Hubert a les bras levés. Comme dans Anthony Quinn, dans le fameux film où il a lancé Zorba le grec. Voilà. Ouais. C'est vrai, bon, je peux continuer à vous expliquer qu'on parle de yaourt grec pour le moment la Commission européenne, puisque les Grecs en ont marre qu'on utilise l'appellation yaourt grec pour tout et n'importe quoi. Ouais, ils en ont marre de se faire entuber, les Grecs, évidemment. Exactement, ils voudraient même qu'on supprime aussi les applications dérivées comme à la grecque, méthode grecque, recette grecque, etc. Il faut savoir que le yaourt grec n'est pas protégé par une appellation. Bref, pour l'instant, il ne s'agit que de discussions, mais les Grecs restent vigilants sur la question. Ça rappelle d'autres histoires, écrit la DH, comme celle de la marque Jambon d'Aoste, qui n'est pas produit ce jambon en Italie, ce qui fait râler les Italiens. Et pour contrecarrer l'interdiction de la Commission européenne sur le sujet, eh bien à l'époque, la société Aoste s'était installée à Aoste, mais pas en Italie. D'accord. Mais en France, dans l'Isère, c'était un peu un pied de nez à la Commission, cette affaire-là. Bon, bref, c'est tout, on peut couper la musique. C'est tout, on peut arrêter cette affaire. Dans la presse du jour, on peut lire aussi que les acariens sont de retour. Oui, l'automne est la période la plus propice. C'est plus difficile pour une musique, ça. Les acariens. Oui, les acariens. Tous les acariens. Donc, automne, période propice à la prolifération des petites bêtes, les acariens. Potentiellement, et là on va beaucoup moins rire, notre matelas ou notre fauteuil contient 2 millions d'acariens. Et ils adorent l'humidité, donc de l'automne. D'accord. On estime que 20% de la population est sensible aux acariens. Donc sensible, on ne parle pas encore d'allergie pure et dure. Ici, les conseils d'un spécialiste dans la presse. Donc aérer quand il fait froid et sec, 10 minutes le matin, 10 minutes le soir. On évite les pluches dans le lit et les tapis pleins dans la chambre. Et on aspire les matelas tous les 15 jours, mais attention, avec un aspirateur muni d'un filtre HEPA. Et on lave aussi la literie à au moins 60 degrés. Vous voilà prévenus. Dans les journaux du groupe Sud Presse, on apprend que 16% des voitures ont des freins usés. Oui, c'est Touring qui s'est posé une question. Étant donné que la Belgique n'a jamais compté autant de voitures d'occasion sur ses routes et que l'âge moyen des voitures est en augmentation, il est de 8 ans, 8 mois et 24 jours, ne faut-il pas se demander si elles sont en bon état, ces voitures? Donc, ils ont testé 1000 véhicules et résultat, une voiture sur 4 a un défaut quelconque. Ce qui arrive en tête, c'est l'extincteur périmé. Donc là, on se dit, c'est pas très grave. C'est quand même dans la moitié des cas qu'ils ont analysés. Et si on s'intéresse à ce qui est vraiment dangereux, eh bien, on voit que 16% des véhicules ont des disques de frein usés et 18% des pneus usés. Ah, là, c'est nettement plus dangereux. La sécurité À quoi sert le contrôle technique, alors? Oui. Moi, je comprends pas, là. Bah, le contrôle technique, c'est une fois par an. Et puis, non, voilà. Une fois, oui, c'est ça. Si vous roulez beaucoup, les pneus, ils sont très vite usés. Usés avant le contrôle technique. Je me pose quand même la question. Vous avez bien fait. Et puis on termine avec une info qui va donner faim ou alors couper l'appétit. Voici le Gigantosaurus. Oui, il fait 5 kilos. Lui, c'est la nouvelle création du snack liégeois qui avait déjà remporté en 2013 le titre du plus gros burger d'Europe. La nouvelle création comprend 3 couches de pain, jusque-là ça va encore, 27 steaks de bœuf,

la cité avec Miracle. On n'est pas des pigeons. Alors on commence à peine à sortir nos pulls et nos vestes. Isabelle, vous venez déjà nous parler des soldes. Je pense que c'est un peu tôt. Allez, je suis d'accord avec vous. C'est vrai, c'est un peu tôt parce que les soldes d'hiver, ils ne commenceront qu'en janvier de l'année prochaine, normalement le 3 jusqu'au 31. Et il faut savoir, c'est pas partout pareil en Europe. Il n'y a pas une date européenne comme ça qui définit. Chaque pays choisit. Si je prends le cas de l'Allemagne, là, normalement, officiellement, les soldes d'hiver ne débutent que fin janvier. Alors qu'en Finlande, je vous avoue que c'est un petit peu plus loin, d'accord, pour aller faire les soldes. On a déjà droit à des soldes avant la Noël. D'accord, mais sinon les soldes, ça marche toujours aussi bien, ça ? Eh bien, visiblement, non. Ces 5 dernières années, on a toujours parlé d'une baisse du chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente. Alors, comment on explique cela ? D'abord, parce qu'il y a ce fameux système des ventes conjointes qui sont autorisées avant la période des soldes. Donc, pour rappel, c'est si vous achetez 2 articles, eh bien, vous aurez une promotion. Mm-hmm. Donc, ça, c'est les ventes conjointes. Ça dépend aussi beaucoup de la météo. Si on prend ici la fin du mois de juin, le début du mois de juillet, donc quand les soldes d'été ont démarré, bon, le temps était plutôt maussade. Donc, on n'avait pas vraiment envie à ce moment-là de s'acheter le petit top très, très très léger. C'était la même chose l'hiver dernier, en fait. Là, le temps était trop doux. Et alors, les gens se sont dit, je ne vais plus m'acheter une veste d'hiver quand il fait déjà aussi doux. Et donc, face à ce constat, le syndicat neutre des indépendants fait une proposition. Et oui, et donc, cette proposition, suite à une enquête qui a été menée, c'est de retarder la période des soldes d'un mois. C'est ce que demande toute une série de commerçants. Pas sûr que cela plaise vraiment aux consommateurs. Vous savez quoi, on va en parler avec Christine Mathéus du syndicat neutre des indépendants. Bonjour. Bonjour. Alors cette proposition de retarder les soldes d'un mois, elle est soutenue par de nombreux commerçants ? Oui. 9 sur 10 disent clairement que les soldes viennent trop tôt. Donc les soldes de janvier et juillet, on doit le reporter et la plupart veulent le reporter d'un mois. Donc, que les soldes d'hiver commencent au mois de février au lieu de mois janvier et en été au mois d'août au lieu de mois juillet. Et je pense que effectivement, madame avait déjà bien dit pourquoi justement la météo vient mettre des bâtons dans les roues des soldes. Si au mois d'août ou au mois septembre, et on doit quand même dire qu'il faisait quand même encore beau en mois d'août et mois septembre, c'est quand même vraiment dommage que d'un côté les sandales et les t-shirts, vous ne pouvez plus l'acheter parce que les rayons sont pleins des choses d'hiver et d'automne. Et en plus, ce qui est en pire pour les commerçants, c'est que vous n'avez pas envie d'acheter des manteaux typiques d'hiver. Mais Madame Mathieu, c'est pour ça qu'on doit retarder un petit peu les soldes. Mais il y a même des commerçants, et là j'ai lu dans votre enquête, 24% des commerçants qui disent même qu'il faudrait encore les retarder plus et qui disent commençons les soldes non pas début août mais carrément le 15 août et pour l'hiver le 15 février. Vous croyez que c'est vraiment réaliste ça ? Ce que je trouve très réaliste, c'est qu'on va discuter de ces résultats avec les deux ministres compétents, c'est ministre Peters et ministre Boursu, et ministre Boursu des classes moyennes. Et je dois dire que tous les deux, ils sont déjà ouverts pour en parler, parce que eux aussi, ils sont très conscients du fait que c'est de plus en plus plus difficile pour les commerçants à vendre des choses juste après les soldes, justement parce que la saison n'a pas encore fini, c'est ça le grand problème, et les gens n'ont pas envie, les consommateurs n'ont pas envie d'acheter directement déjà les produits ou des articles de saison suivante. Oui, mais par exemple, est-ce que vous croyez vraiment que début février, on va encore s'acheter, par exemple, un manteau d'hiver, alors qu'on sait qu'on ne va plus l'utiliser pendant très très longtemps quand même ?

Electric, c'était le groupe No Doubt en 1996. Jusqu'à 13h, on n'est pas des pigeons. Ah, Hubert a mis son beau costume de commandant Stubbing. En blanc, en blanc, avec ma casquette. Nous partons. Et mes galons dorés. Vous allez nous faire rêver puisque vous nous emmenez loin à bord d'un paquebot pour une croisière. La croisière s'amuse avec vous en secteur touristique en plein essor. Hein. Mais oui, qui dit croisière, on pense à Corfou, à l'Égypte, on pense à des destinations exotiques, bien sûr, Marseille, Istanbul. Bon, Marseille, c'est pas super exotique non plus. Hein. Non, mais Méditerranée. Oui. Voilà, c'est le départ d'une croisière. Mais exotique. On n'imagine pas que ces mastodontes des mers, des bateaux de plus de 300 mètres, peuvent faire aussi escale ici en Belgique. Mais oui, il y a le port d'Anvers, il est assez grand pour les accueillir. Eh bien, non, figurez-vous. C'est plutôt le port de Zeebrugge qui se positionne comme port d'escale de croisière. C'est tellement plus beau. Non, on ne rigolez pas. Il y a 5 ans, une quarantaine de navires de croisière s'y arrêtaient. Cette année, ils étaient 145. Et ils sont déjà 170 prévus pour l'année prochaine. Même, et alors, ça accueille même des gros bateaux. Le Queen Mary II, le Queen Elizabeth. Ouais. Ils ont fait escale à Zeebrugge. Ouais, mais Zeebrugge, c'est pas Venise. Hein. Qu'est-ce qu'il y a à visiter à Zeebrugge? Bah, il y a de belles villes en Belgique. On pense à Bruges, ouais, Grand Bruxelles. Ouais. 300 000 passagers y ont fait escale l'année passée. Zeebrugge est une escale, surtout pour les croisières, évidemment, dans le nord de l'Europe, les fjords. En fait, tu t'arrêtes à Zeebrugge pour aller à Knokke. Pour aller visiter Knokke. C'est pas mal, hein, quand même. Pas, et aujourd'hui, preuve que ça évolue, on embarque à Zeebrugge. Alors, avant, les Belges devaient aller à Amsterdam pour embarquer sur les croisières. Maintenant, on peut le faire à Zeebrugge. D'accord, vous aviez raison. Pour le moment, Zeebrugge, c'est un port de marchandises. C'est pas folichon. Débarquer au milieu de containers, c'est pas très excitant. Mais en 2018, il est prévu qu'on va construire un vrai terminal passager à Zeebrugge. Eh bien, on a envoyé Jean-Christophe Willem. Oui. Lors d'une escale à Zeebrugge pour visiter un de ces bateaux, le MSC Splendia. On verra les images ce soir à la télé. Alors oui, c'est des images à ne pas rater, hein, parce que c'est assez monumental. Le bateau mesure 333 mètres de long, comprend 1637 cabines et peut transporter plus de 3500 passagers. Bon, il faut dire, un navire de croisière comme ça, c'est un hôtel de luxe. Hein. C'est un palace flottant qui se déplace pendant la nuit et offre à ses pensionnaires une escale différente chaque jour, ça, presque. Ça coûte cher, ça? Eh bien, là, il y a, y en a un peu pour tous les goûts. D'abord, il faut savoir que les croisières dans le Nord sont plus chères qu'en Méditerranée. C'est une question de quantité. Et puis, les prix varient selon la destination et la saison. Pour septembre 2017, à Zeebrugge, les prix commençait à 699 euros par personne en cabine intérieure, sans fenêtre. Ouais. Pour une cabine avec balcon sur mer, c'est 999 euros pour une croisière de 8 jours. Et on ne s'embête pas, hein, pendant 8 jours. Non, ah, écoutez, le Splendida compte 17 bars au total. Mais attention, les forfaits boissons sont en supplément, comme tous les frais de service débités en fin de voyage. Les voyages, les excursions aux escales sont en supplément aussi. Donc, il faut faire attention et bien quand même contrôler son budget. Les escales, c'est bien, mais le bateau en lui-même, c'est une attraction. C'est vrai qu'il y a tellement de trucs à faire là-dessus que c'est... Un casino et des magasins. On verra ça ce soir. Hein, on verra ça ce soir à la télé. On est monté sur ce fameux bateau de 333 mètres qui fait escale à Zeebrugge. Et ce soir, des conseils pour ne pas se faire plumer quand même. Ça, c'est important aussi. Tu te méfies de moi, de ma façon de parler, de me tenir droit. Nous n'allons pas refaire l'histoire. Toutes les blessures trouvent une place dans les mémoires. On partage le même territoire. La même peur du reflet dans le miroir. Si la méfiance est héréditaire, on se déteste au nom de nos pères. Parce qu'on est tous un peu pareils. On se ressemble à des choses près. C'est plus facile de pointer du doigt. On se ressemble. Qu'il soit celui qu'on chuchote ou celui que l'on crie, que ce soit son nom qu'il le porte ou qu'il crève anonyme, qu'il soit de ceux qu'on acclame ou de ceux qu'on regarde sans voir, qu'il porte la flamme qui ne s'éteint seule dans le noir. On est tous un peu pareils. Ensemble, à des choses près. C'est plus facile de pointer du doigt. Ensemble, parce qu'on ne s'aime pas. Se ressemble à peu de choses près. C'est plus facile de pointer du doigt. On se ressemble lorsqu'on ne s'aime pas. Le groupe Delta sur Vivacité avec le titre Héréditaire. Il y a les infos de midi qui arrivent et la deuxième heure de On n'est pas des pigeons commencera évidemment dans la foulée des infos de midi. Chez Thomas et Piron, jusqu'au 15 octobre, bénéficiez de conditions VIP à l'achat d'un appartement neuf. À Otigny, portes ouvertes ces samedis et dimanches de 14 à 17 heures, dans notre appartement témoin, rue de la Chapelle, à Otigny. Venez profiter de nos conditions VIP exceptionnelles. Plus d'infos sur thomas-piron.eu. Mais que s'est-il passé aujourd'hui? Est-ce que vous reconnaissez ceci? À 17h, on fait une pause pour bien comprendre l'actu. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept de... Le 5 à 7 de Vivacité, du lundi au vendredi, de 17h à 19h avec Cyril. Vous trouvez que l'entretien de votre voiture vous coûte trop cher? Pas chez Citroën Dragon Boss, Citroën Evair et Citroën Isère. Jusqu'au 31 octobre, bénéficiez d'une remise de 5 fois l'âge de votre auto et tentez de gagner l'entretien à vie de votre Citroën. Pour vos pneus et kit hiver, nous vous garantissons le prix le plus bas. Nous vous remboursons la différence si vous trouvez moins cher ailleurs. Citroën. Voir conditions en magasin. Jusqu'au 31 octobre, achetez une voiture d'occasion BMW Premium Selection et profitez d'une garantie prolongée jusqu'en 2020. Plus d'infos sur bmw.be. Vivacité présente la semaine numérique. Hashtag cool, apprenez à décoder les hashtag nouvelles technologies et bien plus lors de hashtag la semaine numérique du 10 au 21 octobre. Hashtag c'est bientôt, youpi! Participez à des centaines d'activités en Wallonie et à Bruxelles. Hashtag c'est pour tout le monde, hashtag pas que pour les geeks. Hashtag lol, plus d'infos, lasemainenumérique.be. Chute de cheveux, pas de panique. Commencez vite votre cure d'automne avec le sérum traitant pur essentiel anti-chute. Un complexe breveté aux 7 racines qui renforce l'ancrage de vos cheveux. Résultat, action anti-chute 90%. 8400 nouveaux cheveux et une chevelure plus couvrante. En pharmacie, pur essentiel anti-chute, l'efficacité à l'état pur. Vous écoutez Vivacité, il est midi. Et on s'informe en compagnie de Delphine Vreux. Bonjour Delphine. Bonjour Bernard Westphal. Très ému, la voix tremblante. Avant de clore les débats, l'accusé avait le droit une dernière fois à la parole. Il jure qu'il n'est pas violent, qu'il n'a pas tué sa femme. Michel Gretry, vous nous résumez l'audience de ce matin. Il est 10h30 à l'horloge de la salle solennelle de la cour d'assises lorsque le président demande à l'accusé s'il a un dernier mot à ajouter aux ultimes répliques. Il se lève lentement et sa voix tremble. « J'aimais profondément Véronique, j'aurais tout fait pour la sauver. Je vais devoir souffrir de son absence jusqu'à la fin de mes jours. Je comprends la douleur de son fils que j'ai toujours considéré comme mon troisième enfant. » Je voudrais m'adresser à la famille. Je vous comprends, j'ai toujours de l'estime pour vous, même si vous ne m'avez pas laissé beaucoup de chance avec vos accusations. Mais j'espère qu'il reste une place pour se reconstruire, pour tout le monde. J'ai plein de défauts, mais j'ai toujours pris mes responsabilités, même dans les circonstances les plus difficiles. Si j'avais tué ma femme, je l'aurais dit et j'aurais assumé. Pourquoi nier? À cause de quel orgueil? J'aurais assumé et j'aurais demandé à mes avocats de plaider autre chose. Il est 10h35, l'ex-député se rassoit. Des pleurs et des reniflements se font entendre sur les bancs du public. Les jurés peuvent se retirer. Un récit de Michel Gretry. Plus de 6 millions de Belges complices involontaires de cybercriminels. Et une campagne nationale de sensibilisation est lancée. D'après une étude de l'Université de Gand, 7 Belges sur 10 ne sont pas assez prudents. Ils ne sécurisent pas assez leur ordinateur, leur tablette ou même leur smartphone. La campagne suggère aux internautes de se rendre sur le site www.cfunweb.be afin de bénéficier de conseils. Une rencontre jugée franche et constructive. Charles Michel a reçu les syndicats l'occasion d'exprimer leurs craintes quant aux différents projets du gouvernement fédéral. Crainte aussi sur ce que pourrait contenir le budget 2017. Le gouvernement aborde la dernière ligne droite de ses travaux budgétaires. Une discussion franche donc, comme le confirme Marc Goblet pour la FGTB. Nous avons pu vraiment exposer toutes nos craintes, qu'il a été à l'écoute, qu'il a lui-même fait part de sa vision. Et donc je considère que ça a été une réunion constructive dans le sens où ça a été un débat qui a été franc et ouvert. La révision de la loi 96, la loi Péter, c'est ce que vous avez quelque apaisement qu'une concertation pourrait intervenir avant toute décision? Mais non, c'est justement une des difficultés, mais nous verrons dans la prochaine rencontre et quand il aura rencontré les employeurs, s'il y a encore une opportunité ou pas. Mais pour nous, ça reste évidemment des problèmes très clairement prioritaires et majeurs. Et donc, on espère qu'on pourra trouver la voie pour relancer vraiment la concertation. Marc Goblet, il était interrogé par Marie-Paul Jeunhomme. Les syndicats inquiets aussi quant à l'avenir de la société Vinsotte, société d'inspection et de certification. Elle emploie 1700 personnes en Belgique et 1 000 à l'étranger. Et les syndicats craignent la venue du nouveau directeur général qui traîne une réputation de nettoyeur. Ils redoutent une cinquantaine de suppressions d'emplois en Belgique et d'autres à l'étranger. Le Parlement polonais rejette massivement la proposition de loi interdisant la pratique complète de l'avortement. Un vote après d'importantes manifestations de femmes opposées donc à ce nouveau texte. Enfin, un bateau de croisière accoste à Tunis, une première depuis l'attentat du Bardo. C'est un paquebot d'une compagnie allemande. Et pour son arrivée, l'ambiance était festive, sous haute sécurité aussi. L'escale de luxe ne doit pas excéder une journée, mais preuve de son importance, une cérémonie est prévue en présence cet après-midi de la ministre du Tourisme. Les autorités espèrent que ce retour adressera un message rassurant aux autres compagnies de croisière. Elles ont délaissé le pays depuis un an et demi. 21 touristes étrangers et un policier ont été abattus en mars 2015 dans l'attaque du musée Bardo. Une attaque revendiquée par le groupe terroriste État islamique. Jean-Marc Sreil, des soucis sur la Nationale 4. Oui, un accident. N4 Arlon-Namur, hauteur de Longchamp, où le passage est difficile dans les deux directions. Donc patience et prudence si vous êtes dans le coin. Et puis si vous êtes du côté d'Anvers et que vous prenez le 313 en direction de Liège, au kilomètre 16.8 à hauteur de Metz-Hénoven, il y a un accident avec des conséquences puisqu'il y a des files depuis Ranst sur 10 km. Et vous perdez toujours beaucoup de temps. Tout à l'heure, on était presque à 2 heures. Là, on est à 1 heure perdue en direction de Liège. Ça fait 45 ans que nous vous faisons sourire. On continue sous notre nouveau nom. Jetair devient TUI. Discover your smile. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Sébastien Nolvo et on n'est pas des pigeons jusqu'à 13h. Merci Delphine, bel après-midi. Commandez vos portes et châssis avant le 31 octobre chez votre expert Profel et profitez de nos conditions d'automne incontournables. Profel, portes et châssis avec une promesse. La transparence. On n'est pas des pigeons. Sur Vivacité. Récemment, vous avez peut-être été victime d'une attaque de virus sur Facebook. Olivier Bogart de la police criminelle informatique nous donnera quelques conseils pour surfer en toute sécurité. On va jouer au Scrabble aussi avec Michel dans cette deuxième partie. Ou alors, ou pas, parce que finalement il a commandé son jeu, il ne l'a jamais reçu. Exactement, il ne saura jamais jouer avec son Scrabble de luxe. Ah oui, c'est Scrabble ou Scrabble? Alors, j'ai Scrabble jamais su, ou moi. Scrabble, mais en tout cas c'est arrête, quelque chose non, de stop, luxe. Stop, on s'en fout. Scrabble ou Scrabble? Scrabble. Mais de luxe. De luxe. Scrabble de luxe. Vous ne savez pas ce que c'est qu'un Scrabble de luxe? Non, non. Eh bien vous le saurez. Mot compte triple, mais en or. C'est pas mal. On parlera de la machine qui peut remplacer Uber aussi, Isabelle. Même si Uber est irremplaçable, c'est vrai, on le sait. Mais cette machine, elle s'appelle le Wallow Wash et on va vous expliquer tout à l'heure ce qu'elle vous fait. Ouh, ça, alors, à mon avis, c'est un truc pour faire ses produits soi-même, ça. Tout à fait. On vous pose une question sur la page Facebook. Reculer les soldes, est-ce que c'est une bonne idée? En tout cas, c'est une proposition du syndicat neutre des indépendants. Oui, vous êtes déjà nombreux à réagir, comme par exemple Eric qui nous dit « ça n'a pas de sens ». mars au lieu de juillet, août, je trouve qu'il faudrait les avancer d'un mois. Les soldes d'hiver en novembre au lieu de décembre et en juin au lieu de juillet pour les soldes d'été. Les soldes marcheraient mieux juste avant de partir en vacances plutôt qu'au retour des vacances. Je trouve ça beaucoup plus logique de les avancer aussi, moi. Je trouve ça un petit peu plus... Oui, mais je vous donnerai les contre-arguments après, vous allez comprendre. Donc si tout ça sur la page Facebook, on n'est pas des pigeons. Le mail pigeon@rtbf.be. Le répondeur 070 222 660. Le SMS 3063. Ça coûte 50 centimes. On vous propose aussi en musique une petite balade à Bruxelles. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Avec si le groupe Boulevard des Désert, il y aura Sting là aussi. Le nouveau Sting dans la programmation musicale de Vivacité. Vous passez à table, on vous souhaite un excellent appétit. On est encore ensemble jusqu'à 13h. C'était Frère de la Vega. On n'est pas des pigeons. Vous le savez, si vous nous écoutez régulièrement, Hubert nous donne des bons conseils et surtout ses bonnes recettes pour qu'on prépare nous-mêmes nos différents produits d'entretien. Mais figurez-vous qu'Hubert pourrait être remplacé par une machine. C'est ce que vous avez découvert, Isabelle. Et oui, en fait, il y a deux points communs finalement entre cette machine et Hubert. C'est que tous deux nous permettent de fabriquer des produits d'entretien naturels et tous deux sont évidemment uniques en leur genre. Alors, la machine en question, elle s'appelle Wallow Wash. Alors, c'est une sorte, moi j'ai vu les photos, c'est une sorte de grand distributeur. Et donc, vous devez cliquer sur différentes choses et vous fabriquez. Vous pouvez fabriquer, ça vous propose jusqu'à une quarantaine de produits d'entretien différents. Il existe de nombreux Wallow Wash ? Non, pas encore. En fait, il n'y en a qu'un pour le moment. Il est dans un supermarché de Marienbourg. Mais son concepteur, donc, qui s'appelle Fabrice Willems, a reçu pas mal de demandes. Et mon petit doigt me dit même qu'il est peut-être en train d'en installer d'autres. Ben on va voir, on l'a au téléphone, Fabrice Willems, bonjour. Bonjour. On vous dérange en plein travail là ? Oui, oui, mais c'est pas grave. Explique-nous d'abord comment fonctionne votre machine, le Wallow Wash. Alors, son fonctionnement pour l'utilisateur est en fait assez simple. Hein. Parlez bien dans le micro de votre téléphone, sinon on va avoir des petits soucis. D'accord, ça va mieux là ? Oui, parfait. Voilà. Donc pour l'utilisateur, le fonctionnement est assez simple. Hein. Il a sur le côté de la machine des récipients vides qui sont étiquetés en fonction du produit que le client veut fabriquer. Non, alors on a vraiment un problème de communication. Vous êtes en téléphone, vous êtes en main libre, comment ça se passe? Oui, je suis en main libre, je vais... Enlever l'oreillette et parler vraiment bien dans le téléphone, sinon on n'aura pas les explications correctes du fonctionnement de votre machine, ce serait embêtant. Donc on en était au récipient sur le côté. Voilà, on a des récipients vides étiquetés sur le côté de la machine. L'utilisateur va choisir son récipient, le placer simplement dans la machine qui va reconnaître le récipient. Ensuite, l'utilisateur va pouvoir sélectionner parmi 6 choix l'huile essentielle qu'il souhaite dans son produit et mettre en route la fabrication du produit en question. Et en fait, tout le processus est bien éco-responsable. Voilà, tout à fait. Déjà, le fait de pouvoir réutiliser ces récipients une fois le produit utilisé. Donc l'utilisateur va pouvoir revenir en magasin avec son récipient vide et le remplir à nouveau dans la machine. L'eau utilisée lorsqu'il y a de l'eau dans le produit est directement puisée dans le magasin et filtrée avec un osmoseur pour avoir une eau pure et pas avoir de transport d'eau. Et tous les constituants qui sont utilisés pour fabriquer les produits sont d'origine végétale et minérale. Et du coup, un produit qu'on a fabriqué comme ça à la machine, ça coûte combien, plus ou moins? Ça dépend des produits, hein. Il y a beaucoup de produits. Hein. Mais si on se base sur des prix de grande distribution comme une grande chaîne hein, qui commence par Cole et qui finit par Reuth, on est 15 à 20% moins cher que leur équivalent dans ces grandes chaînes. Mais qu'est-ce qu'on trouve comme produit? Alors, on y trouve des lessives pour linge délicat, pour linge couleur, pour linge foncé, des adoucissants, des nettoyants pour la salle de bain, la cuisine, des joints de carrelage, toutes les surfaces, les sols, du produit pour faire la vaisselle à la main, faire la vaisselle en machine, du produit de rinçage pour la vaisselle. Il y a vraiment de tout, hein. Mais voilà, pourquoi pas proposer directement le produit tout fait? Pourquoi est-ce que l'assemblage doit se faire, si j'ai bien compris? C'est ça, l'assemblage se fait où vous ajoutez les produits dans la machine? Mais disons que si on propose le produit tout fait, on perd les deux gros intérêts. Le fait de pouvoir recycler ses récipients, ce qui est une partie parfois importante du prix d'un produit fini, quand vous l'achetez en rayon tout fait dans un magasin. Le deuxième intérêt, c'est de ne pas avoir de transport d'eau, parce que tous ces camions qu'on met sur la route avec des produits fabriqués où il y a 80% d'eau, on considérait que c'était quand même une aberration d'aller fabriquer des produits très loin, les amener en magasin, alors qu'on peut fabriquer le produit et mettre l'eau directement en magasin. Donc le coût CO2 de ces produits est négligeable par rapport à un produit qui est déjà fabriqué. On voit une petite séquence avec votre machine là. Donc moi, si par exemple on voit une petite séquence parce que vous êtes sur Internet. Oui, voilà, c'est ça. Pardon. Si je viens avec une bouteille d'eau vide, est-ce que je peux la mettre dans votre machine et faire les mélanges? Non, là, ça ne marchera pas parce que la machine doit reconnaître l'étiquette du produit. Et donc, la D'accord. première bouteille à utiliser, c'est la évidemment D'accord. une bouteille. Voilà, c'est la Mais vous avez dû concevoir tout de A à Z pour cette machine. Oui, ça n'existe pas, donc on a dû tout concevoir. Donc, breveter tout. Et alors, la première dans le coin de Marienbourg, on l'a compris, mais les autres, elles arrivent? Alors, c'est pas la première, en fait, dans le coin de Marienbourg. Hein. C'est la première dans la région. Ouais. La toute première a été installée dans le magasin d'ici à Nanine. Ouais. C'est une grande chaîne, un grand magasin de produits belges. Et elle a vraiment été testée là-bas en magasin. Donc on a eu la chance d'avoir un accord avec le responsable du magasin pour pouvoir terminer la mise au point de la machine confrontée aux utilisateurs D'accord. et y faire quelques petits changements. Alors, Ensuite, une autre a été placée à Marienbourg. Okay. Cet après-midi, j'en place une à Jean Blou. D'accord, donc ça s'installe petit à petit, mais c'est nouveau et c'était intéressant de pointer ça parce que nous, on a l'habitude, effectivement, aussi dans cette émission, de produire, de faire nos produits d'entretien nous-mêmes avec notre machine à nous, Uber, qui n'est pas multipliable à souhait. Donc,

jusqu'à la dernière note parce qu'on ne coupe pas ce morceau de John Lennon. Imagine, c'était en 1971. On vous posait une question sur la page Facebook, on parlait de soldes. Le syndicat neutre des indépendants propose que les soldes soient retardés d'un mois. Donc, ils n'auraient plus lieu en janvier mais en février, ni même en juillet, mais plutôt en août. Votre avis sur Facebook ? Alors, je vous le disais tout à l'heure, Eric voudrait plutôt avancer. Donc, en novembre avant les fêtes et en juin pour partir en vacances avec tout ce qu'il faut dans la valise. Je suis d'accord avec, avec lui. Eh bien, Chacha lui répond. Oui, mais en juin, la plupart des gens n'ont pas touché leur pécule de vacances. C'est vrai. Et en novembre ou décembre, on n'a pas toujours reçu le 13e mois non plus. Donc, ce ne serait pas très utile. Et puis, Wendy rappelle que le but quand même pour les commerçants, c'est de liquider les invendus de la saison. Novembre, ce n'est pas la fin de collection. Ils sont encore en plein dedans. Ils ne vont pas brader des vêtements qu'ils vendront sûrement prix plein. Ça n'a pas de sens. Mais nous, ça ne nous arrange pas. Voilà. Alors, Elias, heureusement qu'il y a Maastricht et Aix-la-Chapelle pour les gens habitant près des frontières. En Belgique, les prix de vêtements, c'est abusé. Là-bas, il y a régulièrement des réductions et plus d'articles. Chantal nous dit aussi qu'elle ira à Maastricht ou à Cologne. Là, il y a déjà des soldes en novembre. Bye bye, malheureusement, les commerçants belges. Ils scient la branche sur laquelle ils sont assis. Ingrid, elle achètera un manteau fin janvier volontiers, puisqu'on posait la question sur Facebook. En dehors de la période des soldes, c'est beaucoup trop cher. N'hésitez pas à poursuivre le débat et à poster vos avis négatifs, positifs sur la page Facebook de l'émission Boulevard Désert avec Bruxelles. Et puis les infos, non les titres de l'info, dans quelques minutes sur Vivacité. Si je te connaissais pas encore, notre aventure vaudrait de l'or. Si on se rencontrait à peine, mon amour, quelle aubaine. J'aurais la langue délicieuse, j'aurais une part de moi milleuse que j'aurais pugne désormais. Oh mon amour, qu'avons-nous fait? Je suis de ceux qui restent au port, je sais qu'on devait rire encore. Je suis de ceux, mais tu es de celles qui restent plantées à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Je resterai tranquille pour qu'on le soit. Si on ne s'était jamais vu, je m'attrais tes fesses à ton insu. J'aurai le compliment facile. Je serai l'homme fort et le docile. Ce dernier que je ne serai plus. Mon amour, je nous ai perdus. Je suis de ceux qui restent au port. Je sais qu'on devait rire encore. Je suis de ceux, mais tu es de celles qui restent plantées à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Et quand tu danses, c'est du dripping. T'es un cadeau pour la rétine. Sur une toile de Mondrian que je saccage de mille couleurs. Jeter sans vergogne et sans plan, juste comme ça pour le bonheur. Je vous imagine même en camping à Bruxelles. Il y a ceux qui restent au port, il y a ceux qui rient encore. Il y a ceux et il y a celles qui restent plantés à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Dans quelques minutes, on vous parle d'un Scrabble ou Scrabble de luxe que Michel a commandé, qui n'est jamais arrivé. On s'inquiétera de ce petit... Vous jouez à ça? Ah, j'adore. C'est vrai? Ah oui, oui. Je suis très forte. Hein, écoutez... Vous jouerez toute seule. Zut. Chérie, combien de temps avant 22h? 8 secondes. T'es prête? Ça fait une heure que je suis prête. 5,

Lost Frequencies sur Viva avec Beautiful Life. Ah, regarde. Ils ont oublié leur Scrabble. C'est déjà ça de gagné. Oh non, Bernard, t'exagères. Là, on va leur rendre quand même. Hé, vous avez oublié quelque chose. Merci beaucoup. Merci. La scène du Scrabble dans les bronzés fondus. Qui joue au Scrabble autour de la table? Isa paraît-il être très forte. Vous êtes très forte. C'est vrai? Moi, je me débrouille bien. Et votre dernière partie du Scrabble a été enregistrée. Bon alors, sucre. Oui. T'as oublié le R. Pierre Palmade, il y a quelques années, ça fait toujours du bien de réentendre ce genre de choses. Le 23 juillet, Michel commande un Scrabble de luxe à la société Auclio. Bonjour Michel. Bonjour monsieur. La livraison de votre Scrabble de luxe n'a pas été pu être effectuée. C'est ça qui s'est passé. Allez-y. J'ai commandé ça le 23 juillet. Le 23 juillet. Oui. Le lendemain, on m'a envoyé un mail me disant que la commande était annulée et que j'allais être remboursé sous peu. D'accord. Et toujours rien vu. Jamais été remboursé. Jamais. Ça coûte combien? Alors c'est quoi d'abord un Scrabble de luxe? Et c'est un Scrabble avec plateau tournant. Mmh. Et avec marqué de luxe dessus. Pardon? Avec écrit de luxe dessus. C'est tout. Attendez, je ne vous comprends pas bien là. Alors, on va peut-être se tourner vers Annie qui s'est plongée dans le dossier. Donc on a bien compris que le Scrabble de luxe est un plateau tournant, on peut s'en servir partout. Oui, et avec voilà. Des encoches pour que les lettres ne tombent pas. Voilà. Et luxe, donc quoi. Ça coûte quand même 81,48 €. Avec le port. 80 voilà. Donc d'accord. C'est quand même pas rien. Okay. Alors effectivement, on ne sait pas le livrer. Pourquoi? Parce que le site ne livre pas en Belgique. Enfin bon, bref, voilà, c'est pour ça qu'on dit, voilà, on va vous rembourser. Et depuis le mois de juillet, on a bien compris qu'il n'y a toujours pas de remboursement. Malgré les échanges de mails, les demandes, on est en France, rappelez-vous, en matière bancaire, les remboursements, c'est compliqué. Oui, parce qu'ils demandent des chèques et compagnie. Ils demandent des relevés d'identité bancaire. Ouais. Alors, Michel m'a envoyé, vous m'avez transféré les mails, vous avez demandé à votre banque de faire un RIB, vous l'avez envoyé, ça ne suffit pas, enfin bref, depuis le mois de juillet, ça n'arrête pas. De s'envoyer des mails et on n'a toujours pas de remboursement à cette heure-ci. Alors, j'ai été vérifier un petit peu au Clio, c'est quoi? C'est un site français. Mm-hmm. Mais quand vous essayez de joindre le service clientèle, en fait, vous tombez sur une plateforme qui est en fait un service client qui travaille pour plusieurs marques. Donc, c'est déjà assez compliqué. Donc, au Clio, en fait, c'est une marque qui vend à la fois des articles de puériculture. Okay. Et quand vous cherchez bien, vous tombez sur une autre société au Clio qui vend, elle, par correspondance et par Internet. Voilà. Donc, c'est un peu compliqué d'avoir un contact, manifestement. On a quand même un numéro de téléphone. On essaye de les appeler. On va demander à Zoé au standard de former le numéro de téléphone de la société au Clio, direction la France. On va voir ce qu'ils vont nous dire. Michel, si vous voulez mieux nous entendre, fermez la radio qui se trouve derrière vous. Je pense que c'est ça aussi un petit peu le problème. Fermé. C'était autre chose. Ça sonne. Voilà, ça sonne, ça c'est déjà sûr. Ouais, alors, le service clientèle est ouvert. Bonjour. C'est bien au service client au Clio. Oui. Ne quittez pas, nous allons prendre votre appel. C'est gentil, madame. Oui. Voilà, donc c'est ouvert toute la journée. C'est déjà, déjà ça. C'est un bon plan. On gagne du temps quand tu téléphones en France, parce qu'en Belgique, tu as, pour parler en français, taper 1. Oui, ça. Nous aussi. Il y a longtemps qu'on n'avait plus entendu ça. Le nôtre aussi. Ah, parce que vous avez déjà fait, évidemment. Voilà. Ça sonne. Bonjour Sophie, Sébastien à l'appareil, Sébastien Nolveau, vous êtes en direct sur une radio belge qui s'appelle Vivacité dans l'émission On n'est pas des pigeons. Je me permets de vous déranger deux secondes parce qu'on a un auditeur en ligne, Michel, qui a commandé le 23 juillet chez vous sur votre site Auclio un Scrabble de luxe. Le Scrabble n'a pas pu être livré, on lui a promis un remboursement, il y a quand même un montant de plus de 80 € là derrière et il n'a toujours pas ce remboursement. Je vous présente Annie Allard, qui est notre juriste. Oui, bonjour madame, est-ce que je peux vous donner un numéro de commande? Vous savez nous renseigner? Oui. 40. Pas immédiatement par contre, parce que c'est vrai que... donnez-moi le numéro d'abord. Si oui, allez, 40 oui. 50 14 oui. 93 oui. 20 oui. 22 Voilà. Voilà. Un peu, oui. Donc, c'est une commande que vous avez validée, mais ce n'est pas directement donc le site Oclio qui a été fermé. Donc, actuellement, ce site a été supprimé. Ah bon? Donc, il était aussi comme une place de marché. Donc, par rapport au numéro de votre commande, donc, vous avez commandé, mais une commande pas directement chez Oclio, mais chez un autre vendeur. Bref, madame, il y a un échange de mails entre la société et notre auditeur Michel. On parle d'un remboursement clairement écrit, et le remboursement, il n'est pas là. Certainement, simplement je n'ai pas directement visibilité. Donc moi je pense que le plus simple, donc, c'est tout simplement que la cliente nous adresse à notre service tous les échanges, s'il y a eu des échanges, donc si elle a contacté ce vendeur. Mais ça a déjà été fait plein de fois, madame. Madame, écoutez, je vous interromps parce que moi j'ai envoyé 3-4 mails à toutes les adresses que j'ai vues sur le site et j'ai envoyé notamment à service-client@oclio.com. Il faut écrire à qui finalement, parce que on ne sait pas à qui on a acheté en fait. Donc normalement là c'est vrai que vous ne pouvez plus voir les informations, le site étant fermé. Oui, mais quand le site était ouvert à ce moment-là, donc vous aviez les informations sur qui vendait un produit sur la fiche de chacun produit que vous mettez dans votre panier. Quand il s'agissait de ces commandes, le site fonctionnait donc. D'une part, donc vous pouviez acheter des produits proposés directement par vos clients. Oui. D'autre part, vous pouviez acheter, comme sur eBay, par exemple. Donc là, quand il s'agissait d'une commande validée pour une autre boutique, donc pas directement au client. Ok, vous serviez de plateforme de... directement okay. Le vendeur. Oui, mais maintenant, là, il y a eu des échanges, peut-être. Il y a eu des échanges et il y a eu une promesse de remboursement en juillet, et il n'y a toujours rien, on est en octobre. Madame, restez en ligne. Annie, notre juriste, va partir en régie pour poursuivre la conversation avec vous et tenter de résoudre ce petit problème. Et on l'a compris, hein, ça part un peu dans tous les sens, ça m'a l'air vachement compliqué cette histoire. On vous tient au courant dans les prochaines minutes. Chez Cora, 20 euros d'achat égale 1 timbre. 25 timbres égale de 5 à 7 euros de réduction. Timbré, non ? Un choix comme ça, c'est chez Cora. Ou chez Cora. Conditions en magasin. Les inratables de Linebacker. Les déménageurs. Aujourd'hui, on peut rater le jour de son déménagement. Mais pas les actions promo chez Linebacker. Embellissez avantageusement votre maison avec 20% de réduction sur toutes les armoires à linge. C'est chez Linebacker. Vous entendez ? La fête continue pour les 25 ans d'Intermarché. Encore 4 semaines de produits gratuits et de super promos. Comme le rôti de bœuf origine Belgique à moins 40%, soit seulement 9,49€ le kilo. Intermarché, depuis 25 ans, tous unis contre la vie chère. Ouvert dimanche et jours fériés, horaire en magasin. Vous souhaitez aménager votre intérieur avec de nouveaux placards ? Vous rêvez d'un dressing parfaitement équipé ? Alors les conditions d'automne Ego sont faites pour vous. En octobre, Ego vous offre le montage de votre nouveau placard et 10% de remise sur tous les meubles. Chambre, hall d'entrée, Ego propose des solutions de rangement sur mesure qui correspondent à vos besoins, mais aussi à votre budget. Découvrez-les sur ego.be. L'Union Saint-Gilloise joue cette semaine au Stade Roi-Baudouin une rencontre de Proximus League. Fidèles supporters, sympathisants ou tout simplement amateurs de football, n'hésitez pas à venir encourager les unionistes pour ce match capital. Toutes les infos sur www.rusg.be avec le soutien de Viva Bruxelles. Un budget. Un projet. Visitez notre showroom. Condition 30e anniversaire. Jusqu'à 5000 euros d'avantage. Véranda Confort. Ma solution. Info verandaconfort.be. Ne laissez pas la crispation s'installer dans votre salle de bain. Salut, moi c'est la crispation. Alors cette porte de douche qui coince, moi ça me crispe. Sans parler du robinet qui... Ah, c'est brûlant. Avec Induscabel, la crispation n'a plus sa place dans votre salle de bain. Ah bon? Et pourquoi? Parce qu'Induscabel vous offre jusqu'à moins 30% sur votre salle de bain. Alors, dites adieu à la crispation. Vous me crispez là. Induscabel, avec vous de A à Z. Du 1er au 8 octobre, dans nos 5 showrooms, jusqu'à moins 30% sur votre salle de bain. Plus d'infos sur induscabel.be. Y yo que hasta ayer solo fui un holgazán, que soy el guardián de sus sueños de amor, la quiero morir. pueden destrozar todo aquello que ven, porque ella en un soplo lo vuelve a crear. Como si nada, como si nada, no quiero morir. Ella para las horas de cada reloj y me ayuda a pintar transparente el dolor con su sonrisa. Y levanta una torre desde el cielo hasta aquí, me cose unas alas y me ayuda a subir a toda prisa, a toda prisa. No quiero morir. Conoce bien cada guerra, cada herida, cada ser. Conoce bien cada guerra de la vida y del amor también. Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime à mourir. Vous pouvez détruire tout ce qu'il vous plaira. Elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire, pour tout reconstruire. Je l'aime à mourir. Elle a gommé les chiffres des horloges du quartier. Elle a fait de ma vie des cocottes en papier, des éclats de rire. Elle a bâti des ponts entre nous et le ciel. Et nous les traversons à chaque fois qu'elle ne veut pas dormir. Ne veut pas dormir, je l'aime mourir. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui. Elle a dû faire toutes les guerres de la vie et l'amour aussi. Être si forte aujourd'hui, elle a dû faire toutes les guerres de la vie et l'amour aussi. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui. Elle a dû faire toutes les guerres de la vie et l'amour aussi. Il y a des reprises qu'il ne faut pas faire. Tant pis, Shakira, c'est pas de chance. C'était Je l'aime à mourir, version originale. Si vous avez l'occasion de l'écouter, elle est quand même mieux. Francis Cabrel, voilà. On n'est pas des pigeons. Parlons de cybercriminels. Ils sont partout et particulièrement actifs. On le constate tous les jours. Et vous aussi, Olivier Bogart, je rappelle que vous êtes notre policier préféré, celui qui travaille à la Computer Crime Unit, l'unité d'élite des pirates informatiques, qui traque les pirates informatiques. Il y a des trucs qui se passent en ce moment sur Facebook notamment. Oui, voilà, on l'a peut-être vu, hein. Bonjour Sébastien et bonjour à tout le monde. On a eu une attaque massive qui a touché Facebook depuis lundi. Et en fait, on découvre aussi certains mails qui nous arrivent dans notre boîte, qui sont avec une pièce attachée, qui peut infecter le système. Le problème, c'est que les criminels peuvent s'appuyer sur le comportement de certains internautes, qui, parfois sans le savoir, leur facilite la tâche. Et c'était le cas de Facebook, avec cette semaine un clic sur un lien qui était présent dans un message qui vous invitait à regarder une photo ou une vidéo humoristique. Et là, un clic qui vous redirige vers un site qui imitait à la perfection YouTube, un avis qui s'affiche qui vous précisait que la photo ou la vidéo n'était pas accessible et vous deviez effectuer une mise à jour. Et donc, voilà, c'est comme ça que le clic va lancer le téléchargement et donc on se retrouve avec l'installation d'un malware, un logiciel qui va permettre par exemple à des cybercriminels de contrôler votre ordinateur à distance. C'était particulièrement pervers parce que c'était une photo de la personne en plus, hein, avec un fichier là-dessus, t'as envie de cliquer c'était en disant... très personnalisé. Oui, c'était hyper personnalisé, donc c'est ça qui est encore plus dangereux quelque part. Oui, exactement. Et c'est en ça que, si vous voulez, les réseaux sociaux nous démontrent quelque part que par la dispersion des informations que nous mettons en ligne, on se retrouve désormais avec une possibilité pour ces cybercriminels de trouver la petite faille qui va nous interpeller, qui va nous faire réagir en disant « Mon Dieu, une photo, qu'est-ce que c'est ?» Et voilà, on est quasiment assuré, si vous me permettez, de cliquer. Ouais, et ben l'occasion de parler de cette grande campagne qui débute le 6 octobre, c'est-à-dire aujourd'hui, et qui a pour but d'améliorer notre cyberhygiène. C'est quoi cette campagne? C'est des bons réflexes à acquérir à long terme? Exactement, une campagne qui est en fait menée, si vous voulez, par les autorités de notre pays. Alors, sont représentés dans la campagne le CERT, qui est l'équipe belge d'urgence numérique, on va la traduire en français, mais aussi le Centre pour la cybersécurité, ainsi que ce qu'on appelle la Cyber Security Coalition. C'est en fait un groupe de grandes entreprises qui ont décidé, toutes ensemble, eh bien, de lutter contre, malheureusement, nos mauvaises pratiques. Et donc, vous allez le constater, la campagne va nous permettre de découvrir certains trucs et astuces. Alors, ils ont tous décidé de cette campagne parce que quoi, il est apparu qu'une grande majorité des utilisateurs belges ne sont pas assez prudents sur le net et les réseaux sociaux. Voilà, exactement. Il y a notamment une étude qui a été faite par l'université de Gand qui démontre, si on regarde cette étude, qu'à peu près 6,5 millions de Belges n'adoptent pas un comportement sûr lorsqu'ils sont en ligne et qu'ils déroulent ainsi, sans le savoir, le tapis rouge aux cybercriminels. Et donc, les utilisateurs que nous sommes peuvent désormais se rendre sur le site cfomweb.be, un site sur lequel on va pouvoir se tester, si vous voulez, afin de vérifier si on est suffisamment sécurisé. Il y a un quiz auquel vous pouvez répondre et qui va vous permettre de comprendre à quel niveau vous vous situez. Et au terme de ce court questionnaire, vous pourrez vous corriger grâce aux trucs et astuces qui vous seront fournis. Et en y participant, vous allez faire descendre le compteur du nombre de personnes imprudentes en Belgique. Et vous avez compris, Sébastien, l'objectif, évidemment, c'est d'arriver le plus près possible du zéro pour que nous soyons tous, quelque part, des acteurs de la sécurité numérique. Alors, on y croit, évidemment, mais on se dit que ça ne va pas être facile d'arriver proche du zéro parce que ces mecs sont quand même, je parle des cybercriminels, sont toujours de plus en plus inventifs. Oui, tout à fait. On l'a compris, avec ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à Facebook, il y a cette attaque massive de ces derniers jours. Ils savent quelles sont nos habitudes et ils vont choisir un élément particulier de notre comportement pour effectivement tenter de nous faire réagir parce que nous sommes inquiets ou bien parce que nous sommes curieux. Ce sont vraiment les deux éléments qui sont déterminants, cette curiosité, cette inquiétude, qui vont être les moteurs de notre réaction par rapport à ce que les cybercriminels, les hackers attendre. Soyez prudents sur Internet, on ne le vous dira jamais assez. Merci Olivier. Parce qu'une Jaguar est faite pour être admirée, Jaguar Drogen Boss fait tout pour garder votre voiture en pleine forme. Achetez une Jaguar de stock et recevez 3 ans de garantie et 3 ans de carouage et d'entretien gratuit. Allez vite chez Jaguar Drogen Boss et choyez votre nouvelle Jaguar grâce à ce triple cadeau. Offre valable également chez Jaguar Brussels à Zaventem et Waterloo. Les nouvelles tendances maquillage sont déjà chez Dee. Des coloris sublimes, des collections exclusives. En ce moment, jusqu'à moins 50%. Dee, faites-vous plaisir. Pour tout savoir sur les tendances de la mode pour cet hiver, rendez-vous chez Poincaré. Jusqu'au dimanche 9 octobre, c'est la semaine de la mode chez Poincaré. Profitez de moins 15% sur toute la collection. Info et horaires, poincaré.eu. Vivacité présente. Pardon monsieur, je cherche la gare. Oh, c'est tout simple. Vous voyez la rue du commerce équitable? Oui. Bon, vous la suivez et après 100 mètres, vous prenez le boulevard du juste salaire. Ah, des justes salaires, oui. Et ensuite, vous tournez à gauche sur l'avenue du respect de l'agriculteur. Ah ben c'est pas si loin ça finalement, merci. Vous en prie. D'ici 2020, faites de la Belgique le pays du commerce équitable. Et pour commencer, participez à la semaine du commerce équitable du 5 au 15 octobre. Semaine du commerce équitable.be, une initiative de la coopération belge au développement. Guten Tag, bonjour. Alors, pour l'Octoberfest, j'ai nié les new cars. Je vous propose 99 sublimes top modèle. 99 fantastiques Mercedes d'occasion récente en solde, prête à défiler pour vous, avec les horaires et en trébuchet. Ya, c'est possible, ya. Colossal solde pour l'Octoberfest, c'est 7, 8 et 9 octobre au Megastore Nearly New Car de Woluwe et d'Anderlecht. Ouverture le vendredi 7 jusqu'à 22h et le dimanche 9 jusqu'à 17h. Nearly New Car. By Mercedes-Benz. Plus d'infos sur nnc.be/solde. Vivacité est là de présente l'Etias Trophy, le tournoi Challenger de Mons, le rendez-vous du tennis de haut niveau depuis 12 ans. Du 1er au 9 octobre, c'est au Loto Mons Expo que les jeunes talents rencontrent des joueurs du top 100. Alors pour vous aussi, rendez-vous à Mons du 1er au 9 octobre avec le soutien de la Loterie Nationale, la Région Wallonne et la Ville de Mons. Vivacité. C'est nouveau Sting sur Vivacité. Ce fut court, ce fut bref, mais ce fut intense. I can't stop thinking about you. Il y a le coup de gueule de Jacqueline qui arrive dans quelques minutes. Ne bougez surtout pas. Votre soin visage, prend-il vraiment soin de votre visage? Jusqu'au 31 octobre, les journées soins visage sont chez Yves Rocher. Venez tester l'efficacité de nos soins visage et profitez d'un diagnostic personnalisé réalisé par une conseillère beauté. Vous allez adorer. Les journées soins visage vous attendent dans tous les magasins Yves Rocher. Ne passez pas à côté. Test it, love it, Yves Rocher. On n'est pas des pigeons. On n'est pas des pigeons. Coup de gueule de Jacqueline. Jacqueline, sur la page Facebook, Facebook. Ouais. En fait, attention parce que ça devient un peu le principe des poupées russes. C'est un coup de gueule pour une amie. Ah, d'accord, ah. Ok. En date du 25 septembre, donc un dimanche, Madame Joël... appelons-la comme ça, a pris le train. Le train Mellereux-Othon, avec un billet réduction de 50%. D'accord. Elle n'a pu montrer sa carte de réduction car celle-ci était au commissariat de police et devait lui être rendue le lundi puisque son portefeuille volé avait été retrouvé entre-temps. D'accord, ok, je comprends. Voilà. Elle a reçu une amende de 75 euros. Seule avec trois enfants, c'est une somme exorbitante pour elle. J'estime que la SNCB aurait pu lui proposer de présenter sa carte de réduction le lendemain, donc le lundi, à une gare. Plainte a été déposée auprès du service clientèle ainsi qu'auprès de l'ombudsman. C'est vrai que le contrôleur n'a pas été très cool. Oui, on peut comprendre qu'elle rouspète, mais manifestement avec une plainte déposée au service clientèle, logiquement ça devrait aller. Et si ça ne va pas, Madame Joël, la copine de Jacqueline... Vous nous appelez, vous envoyez un petit mail à Pigeon. Au pluriel, @rtbf.be. Vous pouvez aussi envoyer, laisser un message sur le répondeur 070 222 660. Notre page Facebook est là aussi, on n'est pas des pigeons. On vous retrouve ce soir à la télé à partir de 18h30. La suite sur Vivacité, c'est vous, Sylvie Honoré, qui prenez le relais avec La Vie du Bon Côté. Sylvie, bonjour. Si je suis en direct de Mediacité. Eh bien, écoutez, ravi pour vous. J'ai une vue extraordinaire. C'est la deuxième journée que nous organisons dans La Vie du Bon Côté au profit de Cap 48. Nous étions à Mons la semaine dernière. Nous sommes à Liège, donc au plein cœur de Mediacité. Cette semaine, en ce jeudi, avec des auditeurs qui sont venus intervenir dans l'émission et surtout la voir en direct. Et puis, il y aura tout un programme qui sera mis sur pied avec, évidemment, la grande conférence de ce soir. Et si la différence était ma richesse, c'est le thème donc que nous avançons à nouveau cette semaine, cette dernière semaine, cette dernière ligne droite aussi pour l'opération Cap 48. Alors on aura Renaud Tocquer dans quelques instants qui viendra nous parler de la campagne de cette année, le handicap les handicaps qui peuvent survenir au cours de la vie. 80% des handicaps qui surviennent en cours de la vie. C'est un chiffre interpellant qui nous rappelle que nous pouvons tous un jour être directement concernés. Et donc nous avons envie aujourd'hui de donner la parole aussi à des auditeurs qui peut-être ont vécu une situation similaire ou qui ont peut-être ont accompagné un proche dans cette situation difficile. Nous attendons donc les témoignages des personnes. À quel point peut-être, venez nous dire ça, il a été important pour vous ou pour une personne de votre entourage d'être accompagné, d'être encouragé dans de nouveaux apprentissages à cause de ce handicap et d'avoir pu rencontrer des personnes confrontées au même drame. On entendra Luc Huberti, on entendra aussi Tanguy. Ce sont deux ambassadeurs de cette campagne 2016 de Cap 48. Ils seront à notre micro aujourd'hui, tout comme le ministre René Collin, parce qu'on goûte encore une fois les produits de la PACW, tout comme Renaud Tocquer, qui viendra prendre la parole en début d'émission. 070 23 33 23, SMS 30 63. Si vous souhaitez intervenir juste après le journal de 13h et juste après le point météo, que voici. Pour un instant gourmand et ensoleillé, Picard. Les surgelés Picard, chaque jour un goût nouveau. Picard.be. Bonne journée à tous. Les nuages prennent le relais des éclaircies. Des nuages qui auront tendance même à s'épaissir sur l'est du pays. Les maxima seront compris entre 9 et 13 degrés. Le vent reste toujours désagréable, orienté au secteur nord-est. La nuit prochaine, grâce aux nuages, cette fois, les minima seront moins frais que la nuit dernière, 7 à 9 degrés. Puis demain, on garde un ciel couvert sur l'est, avec même quelques bruines possibles le long des frontières de l'est. Ailleurs, eh bien, ce sera le lent retour des éclaircies dans le courant de la journée. Température de 10 à 15 degrés. Le week-end s'annonce, lui, variable, avec quelques averses pas trop nombreuses et une moyenne de 10 à 14 degrés. Excellent début d'après-midi à l'écoute de Vivacité. Il est 13h. Bernard Westphal est-il coupable ou pas? On devrait être fixé cet après-midi. Les 12 jurés de la cour d'assises de Mons délibèrent depuis 2 heures déjà. Nous avons assisté au dernier moment du procès et au dernier mot de Bernard Westphal avant le départ des jurés. Vous sortez de chez vous, vous fermez la porte à clé. Et quand vous quittez votre PC, vous faites quoi? Eh bien, vous ne faites pas assez attention. Les Belges, en grande majorité, ne sont pas vigilants. Ils favorisent ainsi la criminalité.